même si j'ai pas la voix de poker. Ni la guitare de Lee Hooker. Je vais chanter pour toi ma belle. Prendre un air n'importe lequel. Et alors comme un vieux rocker, de charmer, de chavirer le cœur. Et je vais réveiller dans tes yeux dans le passé.